De ce jour-là, tout s'effacera. Malgré le rêve, malgré l'espoir qui est en toi, tu ne sais pas ce que sera. À partir de ce moment, tu penses, tu rêves, tu cours et tu ne sais pas ce que sera le jour de ta vie quand tu partiras. Même si des fois tu ne sais quoi faire, ou vraiment te taire. Malgré toi, malgré nous, malgré nous tous, on s'accroche, on gambade en rêve, on prend notre imaginaire. Je pleure, je me retourne et je vois encore une fois ton corps de figure toujours de symbole. Je sais que malgré nos rêves, on se réveille loin d'ici. Loin de nous, peu importe le chemin que tu prends, peu importe la voie que tu te traces, sans aucune trace, sans aucun désir, sans aucune.